Je suis l'amant malheureux sur la terre. J'aime une fille, je ne puis lui parler. Je m'en irai dans un bois solitaire. Finir mes jours à l'ombre d'un rocher. Sous ce rocher, il y a une fontaine entrelacée de beaux rosiers d'amour. Y viendrez-vous, la charmante que j'aime? Nous goûterons les plaisirs de l'amour. Mon cher amant, que veux-tu que je fasse? L'on me défend tous les jours de t'aimer. L'on a beau dire, l'on a beau me défendre, jamais mon cœur ne cessera de t'aimer. J'ai parcouru les montagnes et les plaines, j'ai entendu le rossignol chanter. L'oiseau disait dans son charmant langage, les amoureux seront toujours malheureux. Tu pleureras, oh oui, je te le jure. Tu pleureras, il n'en sera plus temps. Tu marcheras dessus ma sépulture en regrettant ton plus fidèle amant.